Un extrait du texte « Les transformations des contes merveilleux » de Vladimir Propp. On peut observer que les personnages des contes merveilleux, tout en restant très différents dans leur apparence, âge, sexe, genre de préoccupation, état civil et autres traits statiques et attributifs, accomplissent tout au cours de l'action les mêmes actes. Ceci détermine le rapport des constantes avec les variables. Les fonctions des personnages représentent des constantes. Tout le reste peut varier. Par exemple, 1. Le roi envoie Ivan chercher la princesse. Ivan part. 2. Le roi envoie Ivan chercher un objet singulier. Ivan part. 3. La sœur envoie son frère chercher un remède. Le frère part. 4. La marâtre envoie sa belle-fille chercher du feu. La belle-fille part. 5. Le forgeron envoie l'apprenti chercher la vache. L'apprenti part. Etc. L'envoi et le départ liés aux recherches sont des constantes. Celui qui envoie et celui qui part, la motivation de l'envoi, etc., sont des variables. Par la suite, les étapes de recherche, les obstacles, etc., peuvent toujours coïncider dans leur essence sans coïncider dans leur apparence. On peut isoler les fonctions des personnages.